Le top 50, parce que le top 50 c'est vraiment la prime au matraquage et je pense qu'il n'y aurait pas la chanson française que nous aimons voilà, avec le conseiller du top 50 et puisque je crois que... Salut les petits clous, Maurice Tosca va quitter les... Nous allons revoir quelques-unes des meilleures antennes de la semaine et quelques-unes des meilleures ventes de 45 tours en France d'après les enquêtes de Nielsen et Ipsos. Et aujourd'hui, nous allons terminer l'émission avec une interview et le clip. Le top 50, vous n'aimez pas la prime. Alors, je n'aime pas le top 50 parce que le top 50, c'est vraiment la prime au matraquage. Je pense qu'il n'y aurait pas la chanson française que nous aimons avec le conseiller du top 50. Puisque je crois que. Salut les petits clous, Maurice Tosca va quitter l'émission. Non, pas Maurice. Robert. Daniel. Mais comme Tosca va quitter l'émission, supprimons l'émission.